Chapitre 17e, mon pote le gitan. Après le café, nous remontons le cours Mirabeau en direction de la brasserie Le Granet où Guelmard travaillait. Le garçon derrière le comptoir appelle le patron qui met un certain temps à faire surface. La soixantaine bien sonnée, son costard croisé à rayures pour contenir la bedaine et sa cravate rouge annonce un homme rangé et respectable dans le milieu. Interrogé sur Guelmard, le patron dit ne rien savoir de sa vie privée. Le mort était assez ponctuel et assidu et avait un bon contact avec les clients. Il n'avait pas à se plaindre de lui. Il ne demande même pas à Michaud comment Guelmard est mort ni si la police est sur une piste. Ou il s'en fout complètement ou il est parfaitement au parfum. Ce qu'il nous a dit ou rien, c'est pareil. Il finit l'entretien par un « c'est tout » lancé d'un ton hautain qui clôt l'entretien. Ça ne fait pas notre compte, ça. Nous restons au comptoir et commandons chacun un café. Une fois le patron parti, le garçon, en plus du café, nous glisse à l'oreille. « Je le connaissais bien, moi, Guelmard. Si vous voulez mon avis, sous des dehors de seins, c'est un mec pas très clair. Quelquefois, il y avait des types qui venaient le voir et qui sentaient la magouille à 10 mètres. Des fois, il empochait un paquet vite fait, d'autres fois, il donnait une enveloppe. Enfin, je suis sûr qu'il devait trafiquer. Ça ne m'étonne pas qu'il ait été buté. » Ces types qui venaient chercher du matos, vous seriez capable de les reconnaître sur des photos? Ça pourrait se faire, oui, ça dépend. Ça dépend de quoi? De ce que j'aurai en échange, parce que je risque gros là. Vous ne vous rendez pas compte. En tout cas, ce n'est pas ici qu'il faut me montrer des photos. Méfia. Vous avez déjà entendu parler d'un nommé Vergneux? Le nom ne me dit rien. Mais souvent, il y avait un type qui venait voir Guelmard et qui buvait sur son compte. Mais je ne connais pas son nom. Alors comme ça, vous pêchez la truite? Fait le garçon en élevant la voix. Le patron vient en effet de faire sa réapparition dans la salle. Il est temps pour nous d'aller prendre l'air. De retour au commissariat, nous nous coltinons San Lucas qui vient d'arriver. Effectivement, sa dégaine annonce un gars interlope dont les activités ne doivent pas être toutes blanc-bleu. Mais enfin, je ne me fie jamais à l'aspect vestimentaire et physique des gens. Vous savez ce que vous risquez en ayant prêté votre voiture à Vergneux? Je ne pouvais pas savoir qu'il allait faire le con avec. N'empêche, si la voiture a servi à un meurtre, votre responsabilité sera engagée. Ben merde alors! Tu as servi, c'est voilà! J'essuie mes lunettes et pose mon flingue sur la table, histoire d'impressionner le client. Évidemment, l'arme n'est pas chargée, car avec ce genre de gonze, il vaut mieux prévenir. Il ne faut pas venir en aide à n'importe qui. Où et comment l'avez-vous connu, Vergneux? Apparemment, le mec se détend un peu. Il n'est peut-être pas si pourri qu'il en a l'air. On fréquente à peu près les mêmes rades entre Salon, Arles et Fosses. Où ? J'insiste. Et San Lucas énumère les bouges où il traîne habituellement ses tatanes. On s'est rencontrés plusieurs fois, on a bu des coups et on a fait quelques petites affaires ensemble. Quelles affaires ? Oh ! Je rugis en tapant sur la table. Il faut vous tirer tous les verres du nez ou quoi ? Je lui ai acheté des pièces détachées de bagnole que je revends sur Marseille. Surtout des pièces Peugeot pour l'Algérie. Ah, fourgue, recel, bien. T'es mal barré déjà, San Lucas. Il va falloir lâcher tout le morceau si tu veux manger chez toi ce soir. Mais commissaire, j'achète, je vends. Chez moi, ça s'appelle du commerce, non? Ne te fous pas de ma gueule. Alors, après? L'autre fois, je lui ai fait une grosse commande et il a voulu que je le paye d'avance. Je lui ai donné 700 000 balles, la moitié. Eh, quand même, ça fait du fric. Après, il m'a raconté qu'il n'avait plus de bagnole pour transporter la camelote. Alors comme un con, j'ai prêté ma tire. Ce qui fait que je n'ai plus ni mes ronds ni ma bagnole, l'enfoiré. Elle est vraiment à vous, cette bagnole? Bien sûr, j'ai la carte grise. À bouler, dis-je en tendant la main. Je remarque que les mains du gars tremblent légèrement. La droite porte des ongles longs. Ce n'est pas clair tout ça. Est-ce que vous connaissez un nommé Guelmard? Oui, il magouillait avec Vergneux. Comme vous? Ah non, moi c'était du commerce. Guelmard, je ne sais pas trop ce qu'il faisait avec Vergneux. Il devait plutôt faire du fric. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Guelmard lui filait du pognon que Vergneux devait mettre dans des coups, et après lui donner sa part. Je crois qu'ils jouaient tous les deux. En tout cas, peu avant l'assassinat, ils se sont engueulés grave tous les deux. Ils se sont même foutus sur la gueule. À propos de quoi? C'était pour du pognon. Je crois que Vergneux l'avait entubé de plusieurs milliers de francs. Et où il crèche, ce Vergneux? Ben, si je le savais, je n'aurais pas porté plainte. Il est aux abonnés absents. Habituellement, je lui laissais des messages chez Gilda. Un rade de Salon de Provence. Bon, écoute, si on retrouve ta caisse, Ne t'étonne pas si on te la rend pas tout de suite. Je peux partir? Bien sûr, honnête commerçant. Ah, au fait, tu joues de la guitare? Oui, du flamenco. Comment vous le savez? Je lui montre sa main droite aux ongles longs. Tu as toute ma sympathie alors. Allez, ciao. Je me demande si je ne suis pas victime d'une machination de bien plus grande envergure. Quelqu'un de bien plus malin et de plus haut placé désire me liquider. Il fait tuer Guelmard, peut-être par Vergnieux, en maquillant le crime pour que je porte le chapeau. Et maintenant ce cerveau lâche sur moi Vergnieux, que je finirai certainement par tuer, et ce jour-là il y aura des preuves irréfutables contre moi. Mais qui se cache derrière tout ça? En entrant dans le commissariat, Michaud croise San Lucas dans le couloir. Je vois que vous avez eu de la visite, commissaire. Je l'ai reconnu sans même le connaître. Michaud, il va falloir se rencarder sur un bar de salon chez Gilda. Ça doit s'appeler comme ça. Vergnieux y a ses aises, paraît-il. Il y avait de l'eau dans le gaz dans le couple Guelmard-Vergnieux. Ce dernier devait beaucoup de fric à beaucoup de gens. Ça ne m'étonnerait pas qu'on le retrouve refroidi. Voilà qui apporte de l'eau à mon moulin. Après réflexion, je finis par dire à Serge « Je crois que tu as raison. Il vaut mieux que je parle au juge maintenant, avant que ça tourne au vinaigre. Je sens que l'allure va s'accélérer et qu'il va falloir qu'on se tienne aux branches pour ne pas morfler. Ah, il faut lancer un avis de recherche pour nommer Charlie Mertens. Tiens, voilà comment ça s'écrit. C'est le chef de la bande? Non, c'est le gars qui a été massacré par Guelmard et Vergnieux. Je t'en ai parlé. Tu comprends rien, c'est pas vrai. Ils sont tous aussi bouchés que toi, les gones.